Question 18. Je peux utiliser les feux de position seul. Réponse A. Les feux de croisement. Réponse B. Les feux de route. Réponse C.